Les hôtes étrangers, comme la délégation du Parti démocrate libéral de Russie, conduite par Anton Morozov, membre du Conseil suprême et coordinateur des relations internationales du Parti démocrate libéral de Russie, et la délégation d'amitié nippo-coréenne de la région de Gusu du Japon, conduite par Gitahara Mamor, président de l'association d'amitié nippo-coréenne du département de Fukuoka, ont visité le 5 octobre le palais du soleil de Kumsusan pour rendre hommage au président Kim Il-sung et au général Kim Jong-il.